Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On cite certains adab fil nasiha, et des comportements à avoir pour faire nasiha. Awwalan, al-ikhlas lillahi azza wa jal. La sincérité. La sincérité, c'est la cause de tout le khayr. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Celui qui est mukhlis, son ikhlas, sa sincérité, elle lui ouvrira les portes de la guider. Bi'idnillahi azza wa jal. Celui qui est sincère, même s'il se trompe, même s'il glisse, même s'il a des faiblesses, sa sincérité, bi'idnillahi azza wa jal, elle l'aidera à revenir. Al-hadar min al-kibr. On fait attention au kibr. On fait attention à la mauvaise intention, à l'égoïsme, à l'entêtement. Al-ikhlas. Celui qui est sincère, son but, c'est le haqq. On peut se tromper. Je peux me tromper. Tu peux te tromper. Dans une nasiha, dans un conseil, on peut faiblir, on peut avoir un oubli. Lakin celui qui est sincère, sa sincérité, ça sera un rempart entre lui et le dhulm. Entre lui et at-ta'yir bi ghayri haqq. Donc, première chose, la sincérité. Pourquoi tu veux conseiller ce frère? Pourquoi cette sœur, elle veut conseiller cette sœur? Pourquoi tu veux conseiller ton père? Pourquoi tu veux conseiller ta femme, ton fils? Tout ça, ça doit être lillah. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré un nasiha, c'est dîn. الدين النصيحة حديث تميم رضي الله عنه. Donc on doit faire attention à ça. النصيحة الآن, on défend pas une entreprise quand on conseille, on défend pas une équipe de sport. عياذا بالله. لا, النصيحة c'est du din. Tu parles بإخلاص. Tu lui montres الحق. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé ce حق. إما volontairement, إما involontairement. المهم, tu lui montres. Ton but, c'est qu'il revienne. Ton but, c'est pas de le faire tomber. Ton but, c'est pas de lui prendre sa place. Ton but, c'est pas de l'humilier. La nasiha lillahi azza wa jal. Deuxièmement, al-ilm. Celui qui parle, celui qui conseille, il doit parler bi-ilm. Les annakam min an-nas, ils rentrent dans des choses qu'ils maîtrisent pas. Tout ça au nom de nasiha. Et ha'oula, kathir minhum, ils ont une bonne niya. Ils aiment le din. Ils veulent défendre le din. Il déteste Ahl al-Batil min al-Kafara wal-Mubtadi'a et il veut démontrer leurs erreurs. Lakin, avec sa sincérité, il lui manque l'ilm. Robbama, il veut défendre une chose, il fait que la salir. Robbama, il veut mettre en garde, ça fait l'effet inverse. Tellement qu'il parle, il donne du crédit à ce Mubtil. Et Robbama, son Mubtil s'est égaré, il prend le dessus. Liyannahu, il a plus de ilm que lui. Et les gens, ils pensent que Notre frère Sahib al-Haq, il pense qu'il a pas raison. Pourquoi? Parce qu'il manque al-ilm. Al-ilm qabla al-qawl wa al-amal. Fa-nasiha, que ça soit à tes proches, que ça soit sur internet, que ça soit sur les réseaux sociaux, celui qui parle, il doit parler bi-ilm. On vit dans une époque adib anna ba'd an-nas, ils parlent plus que les savants, plus que talabat al-ilm, alors qu'ils connaissent pas grand chose. Wallahi, ba'dhum, ils ont des problèmes à prononcer le Fatiha. C'est pas une critique, ça arrive. Lakin, arrive, fais des efforts pour t'améliorer. Améliore-toi dans le Coran. Améliore-toi dans le Sunnah. Améliore-toi dans ton comportement. Fais des efforts. Thumma siti ala ilm, personne t'empêche de parler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné l'autorisation. Balliru anni wa law aya. Et transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de transmettre des ayat, pas des passions. Pas de se défendre, ça finit en polémique, des insultes. Qui c'est qui tire bénéfice de hada? Personne. Il a ceux qui critiquent hada al-manhaj et se disent. Fal-hadar, celui qui parle, il parle bi-ilm. Celui qui sait pas, tu veux faire du khayr, fais le dua. Demande. Fas'alu ahli dhikri kuntum la ta'lamun. Matalan, ce frère, tu veux le conseiller, lakin, tu te doutes que ce qu'il fait, c'est pas bien, ou c'est pas une sunnah. Demande si tu sais pas. Thumma, dès que t'as la réponse, tu la donnes à ton frère. Ya akhi, j'ai demandé, tafaddal, et inshallah, vous lisez ensemble et testafidoul. Amma se précipiter, parler, thumma chercher des preuves après, c'est pas min tariqati ahli sunnah, c'est min tariqati ahli al-ahwa, comme on a expliqué. Ba'dhum, il se précipite, il conseille, quand tu lui dis, ya akhi, tu as cité cette chose, d'où ça vient? Thumma, je vais chercher, je vais voir. Ya akhi, t'as parlé bila ilm. Pourquoi on s'habitue pas à demander, à questionner avant? Troisièmement, al-hikma wa rifq. Al-hikma, c'est mettre chaque chose à sa place. Et al-asl. Si ad-da'wa c'est le rifq, la douceur. قال عز وجل فقولا له قولا لينا. Moussa et Haroun, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il aura ordonné d'aller faire da'wa à Fir'aoun, à Taghiya, à Mujri. Fir'aun, tout le mal qu'il a fait, l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul faqul lahu qawlan layyina. Dites-lui des paroles douces. Pourquoi? La'allahu il revient. La'allahu il accepte. Wa qala nabi sallallahu alayhi wa sallam yassiru wa la tu'assiru. Facilite aux gens, ne rendez pas les choses difficiles. Tu veux conseiller ton frère, emploie la méthode la plus simple, sans faire de concessions. Ne pas comprendre de la douceur, de facilité. On délaisse les choses, on ne montre plus le haqq. On n'a plus le bid'ah pour faire plaisir. On n'a plus le ma'asiyah. Lakin, il y a des comportements à avoir. Tu peux faciliter à ton frère, facilite-lui. Pour montrer quelque chose, tu n'es pas obligé de hausser la voix là. Tu le montres, billati hiya ahsan, walhamdulillah. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Ça c'est qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam. La haqiqa, celui qui parle, qui fait le masiha par rapport au din, il parle au nom du din. Tu as une responsabilité, l'akhil karim. Quand on parle de din, on parle au nom du din. Parce que tu dis, les gens, ils pensent que ça fait partie du din. Alors, une mauvaise parole, un mauvais comportement, et les gens, ils pensent que c'est ça, din. Comme les nas, ils se sont écartés de l'islam, ou ils se sont écartés de sunna, à cause du comportement de certains. C'est une mas'ouliya azima indallah azza wa jalla. Et ça, la haqiqa, ça veut pas dire que ceux qui ont délaissé, ils ont raison. Là, ils doivent accepter le haqq. Mais la méthode, c'est important. Parmi les comportements, ne pas s'imposer au-dessus de sa responsabilité. Il veut faire nasiha à tout le monde. Il se précipite. Pas d'ilm. Il polémique avec tout le monde. Pourquoi? Une chose, et il s'impose une chose que personne ne lui a imposée. C'est pour ça que tu trouves Adam, il parle plus que les savants. Plus que talabat l'ilm. Et fait la haqiqa, ils n'ont pas les outils pour, ils n'ont pas la capacité. Qala azza wa jal wa ma ala ar-rasul illa al-balagh. Kadhalik ba'dhum takalluf annahu si wahid il n'écoute pas, fa rubbama il veut lui imposer ou il lui parle mal. Ya akhi anta tu fais une nasiha et celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui accepte pas, anta tu montres, c'est tout. Bien sûr, dans certains cas, ton enfant, les gens qui sont sous ta responsabilité, bien sûr, tu peux le punir, tu peux le... Amma wahid, qui n'est pas sous ta responsabilité, fahada, lisa ilik. Ça fait partie des choses qui sont réservées à l'amir, de forcer sur certaines choses. Annahi al munkar bil yad. On ne dit pas, nahnu, qu'on n'a pas le droit. Lakin, dans certains cas, tu ne peux pas. Wa ma ala rasul illa al-balagh. Attention à ne pas s'imposer au-dessus de ses capacités. Wa qala azza wa jal, fadhakkir. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Celui qui guide, c'est Allah عز وجل. أنت montre. Il accepte, alhamdulillah, il accepte pas, rentre pas dans la polémique. Rentre pas, واحد qui accepte pas, ça se voit. Tu lui as montré, alhamdulillah. Et le haqq, il est واضح, celui qui veut le haqq. Attention au takalluf. Surtout pour les débutants fi din, les débutants fi al-ilm, ربما الشيطان, il ouvre cette porte et il dit à ce frère ou à cette sœur, tu vas te taire, tu vas pas montrer. Si tu te tais, le batil, il va se propager et il rentre dans des choses qu'il ne maîtrise pas. Adala. Kadalik, as-sabr wa l'ihtisab. Comme il a cité Al-Hafid ibn Rajab. La patience. Liana, si tu montres le haqq et tu fais le nasiha, ne crois pas que les gens ils vont t'accueillir les bras ouverts. Là. Tu vas être accusé, tu vas être critiqué, tu vas être insulté. Lakin, isbir. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont accusé de sahir, de majnoun. Ils l'ont frappé. Ils l'ont fait saigner, alayhi salatu salam, et il a patienté. Pourquoi il a patienté, alayhi salatu salam? Lianna tawfiq c'est min Allah. Et il a fait des efforts, alayhi salatu salam, et il voulait le bien aux autres. Anahnu hakada. Si on fait ça pour Allah azza wa jalla et on veut le bien aux autres, même si cette personne, à cause de son ignorance ou autre, elle accepte pas, tu sais que c'est un meskin. C'est un meskin et t'as de la compassion, fil haqiqa, pour lui. فالصبر والاحتساب كذلك ce qui est à patienter c'est l'ihtisab. Ne crois pas que quand tu as fait conseil, quand tu as fait nasiha et cette personne elle a pas accepté, elle t'as pas de récompense. Tu as une énorme récompense. Le fait de faire nasiha bi'ilm et sincérité, tu es récompensé. Il a accepté ou il a pas accepté. Innaka la tahdi man ahbabt. Celui qui guide c'est Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك et on conclut avec هذا. Le but de cette risala, c'était de faire la différence entre nasiha et ta'yir. Ne pas mélanger. Croire que la critique de Ahl al-Bida et parler sur les innovateurs, mettre en garde contre eux, c'est de la médisance. Ou ça ne fait pas partie de nasiha. Là, قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تحريم الغيبة بالإجماع. La médisance c'est interdit بالإجماع. L'unanimité des savants que c'est interdit. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة. Sauf s'il y a un profit, quelque chose de bénéfique pour la umma, dans ce cas-là c'est permis. Comme le jarh ou le ta'dil, parler sur les innovateurs. Foulan c'est un kadhab, foulan c'est un mubtadi', foulan c'est un munharif. Tout ça bien sûr bi'ilm, avec les conditions qu'on a données, avec l'ikhlas. Et as-salaf, ils avaient de la shidda, de la dureté envers ahl al-bid'ah. Ahada c'est quelque chose de tayyib dans notre din, c'est quelque chose de bien. Enfin ne pas mélanger, le but de cette risala, c'était hada al-farqu bayna an-nasiha wat-ta'yil. Enfin, mettre les choses à sa place, c'est muhim. Ne pas mélanger, c'est muhim. Ne pas suivre ses passions, c'est muhim. Revenir à Ahl al-Ilm, c'est muhim. Il ne faut pas croire que tout le monde peut parler dans tout. On ouvre les portes, fait le jarh ou le ta'dil à tout le monde. On ouvre les portes, fait le nasiha à tout le monde. Ça se mélange. Al-Jahil, il parle. Et Rubama al-Jahil, il parle plus que l'alim. Ou l'alim, Rubama, on ne revient plus à lui et on laisse al-Ru'a qui parle. Al-Jahala. Ahadala. On doit faire des efforts fil ilm, on doit revenir à ahl al ilm, on doit faire des efforts pour comprendre les différences entre an-nasiha wa at-ta'yir et dans tous les sujets faire la différence entre deux choses qui se ressemblent mais qui ne sont pas la même chose. Fahada c'est muhim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. Alhamdulillah, on a fini cette risala. Jeudi prochain, à partir de jeudi, on lira si on peut نصيحة سر نويل لجوردولون. بعض كلام العلماء تكلموا في هذه الفتنة كذلك. بعض المسلمين للأسف تأثروا بهذا. فإن شاء الله نمتخن قاد contre هذا التشبه بالكفار. إن شاء الله après on choisira une autre رسالة. والحمد لله رب العالمين.